La direction du club de golf de Chibougamau-Chapaï, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. La direction et le personnel de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 61 ans, nous prenons plaisir de vous servir et c'est avec reconnaissance que nous vous remercions, clients, amis, pour votre support indéfectible. De la part de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année 2017. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! On a parlé avec Gilles Larouche récemment, c'est mardi qu'on a parlé, puisque le club de golf de Saint-Prime a maintenant un nouveau président, puis je vais vous dire, en fait, je suis très content de l'avoir comme président, parce que ça, autant ça me faisait de quoi de que Rémi quitte, parce qu'on avait une très belle approche avec Rémi, autant je suis content de revoir ou de connaître le nouveau président que je connais bien, Martial Bouchard, que vous connaissez bien, qui est directeur général de la Caisse populaire Domaine du Roy. Mais là, on ne lui parlera pas en tant que directeur, on va lui parler en tant que président du club de golf. Salut Martial! Bonjour Denis! Martial, d'abord, si on parlait, tu n'as pas déjà assez de job demain comme directeur général de la Caisse, faut que tu y ailles t'en chercher d'autres comme président du club. Ah ben écoutez, quand que le train passe, des fois il faut embarquer. Là. Mais là, on avait un excellent président qui on a tout fait pour essayer de le reconduire à un autre mandat. Mais que voulez-vous, là, pour lui, c'était l'heure de partir, il fallait que quelqu'un prenne la relève. Et comme moi j'avais vu que peut-être que je prendrais une retraite éventuellement dans les prochaines années, ben, je me disais bah ça ferait une petite occupation. Par contre, c'est arrivé un petit peu plus rapide que prévu, mais que vous voulez. Je suis dedans maintenant, j'ai une belle équipe, j'ai un bon directeur général, fait que on va faire ça ensemble, puis on devrait normalement là, réussir à maintenir le club sur sa lancée. C'est quoi ton objectif en tant que nouveau président? La semaine passée, la traversée internationale, Kim me disait « je veux continuer dans la même continuité que Ginette ». Est-ce que c'est la même affaire un peu? Bah, c'est un peu dans ce sens-là parce que vous savez que le comité de relance et on est encore dedans. Ouais. Là, on a un bon bout de fête, la pérennité pas encore assurée, mais tous les pas qu'on a fait dans les dernières années, on l'a fait ensemble et ça serait bien difficile de prendre un tournant différent. On va tenir un lac à la poule le 7 janvier. On va adresser là, toutes les situations qu'on veut régler pour 2017. Mais on veut toujours y aller en s'améliorant, évidemment, pour offrir la plus belle qualité de terrain et, évidemment, le meilleur accueil au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Est-ce que, j'imagine, encore une fois, j'ai pas un lac à l'épaule pour dire que le plus grand des défis, ça va être de recruter des memberships encore. Pas facile, ça. Oui. Oui, c'est le membership, puis c'est aussi le contrôle des dépenses et puis de maximiser l'utilisation de nos espaces. Qu'est-ce qu'il y a dans un club de golf, dans le fond, c'est des grands espaces. Donc, est-ce qu'on peut en faire bénéficier la communauté, notre chalet, le mettre encore plus en valeur? Il y a bien des choses, mais aussi, on a la configuration de terrain à terminer. On a des travaux quand même importants là, à faire au club, mais on est dans une pas mal meilleure situation qu'on l'a déjà été. OK. C'est intéressant de ce côté-là. Oui, justement. Est-ce que... C'est pas encore réglé là, la vente de terrain de tous les dossiers, hein? Tout est réglé. Je veux dire, l'aspect légal, tout ça, l'entente avec les municipalités, avec Rio Tinto, tout est beau. Dans le fond, là, il reste quelques terrains à finaliser la vente. Ouais. Donc, on a encore de disponibles, mais on a quand même là, plus de la moitié là, de vendus. Donc, ce qui fait que ça nous donne une bonne un bon élan là pour 2017. Et le printemps s'en vient. Déjà que les services vont être rendus ce printemps, il va commencer à ça va commencer à brasser pas mal. Donc, ça va donner le goût à d'autres aussi de faire. De faire l'acquisition des terrains, des quelques terrains qui nous restent. Est-ce que, parce que je sais que ça fait longtemps, le chalet, est-ce qu'on va travailler à le rentabiliser 12 mois par année? Parce que je vais dire une affaire, je pense que vous le faites déjà, mais encore plus. Club de golf de Chibougamau, s'il n'y aurait pas la fameuse salle, tu vas me dire, ils ont rien que cette salle-là, puis tu as raison. Mais par contre, ça les sauve en tabarouette, ça les amène des revenus de plus. Est-ce que ça pourrait être un mandat du club de golf de Saint-Prime de tenir des plus d'expositions, utiliser plus le chalet à des fins commerciales? Parce que c'est quand même de bel argent. On avait un chantier là-dessus l'année dernière, donc on a exploré certaines avenues. Okay. C'est pas nécessairement évident, surtout en période hivernale. Ouais. Mais écoutez, on est ouvert à toutes les suggestions. Si jamais quelqu'un nous approchait, on va sûrement regardez ça avec beaucoup d'attention. Mais effectivement, le chalet est un élément de revenu potentiel, mais la cause première des difficultés financières du club de golf connues dans les dernières années, évidemment, c'est le membership, parce que le chalet, ça en prend un de base, et nos coûts sont pas si exorbitants que ça par rapport à un chalet conventionnel, par exemple. OK. Donc, ça s'en vient à grands pas. Il y a d'autres membres du club aussi qui ont été au conseil d'administration. Hein? Oui, nous avons France Kurtnes et Jean Castonguay qui ont joué l'équipe cette année. Okay. Et évidemment, Rémi a quitté et Serge Hudon a quitté. Donc, on les a remplacés par ces deux-là. Et je pense qu'on va faire une équipe vraiment extraordinaire et dynamique. Le fait que vous avez signé Gilles Larouche pour 2 ans, ça va amener de la stabilité, ça? Oui, c'est un élément qui était très, très important dans mon choix d'assumer ce défi-là. Et évidemment que ça aurait été plus difficile si j'avais pas pu compter sur un homme d'exception comme Gilles Larouche pour tenir la barre du club. OK. Ben, Martial, je suis bien content. Bien content parce que j'avais peur un peu. J'ai des belles relations avec le club de golf de Saint-Prime depuis que Rémi et Kurtnes a pris ça avec Gilles Larouche. Puis ça me fait plaisir. Puis on va s'en reparler. Habituellement, le président, il parle une fois par semaine de Donne Radio Sport pour expliquer ce qui se passe. Fait que ça va être le fun de refaire les entrevues. Oui, possiblement. Puis si on veut le faire en alternance avec Gilles, une semaine le directeur, une semaine le président, moi, je suis ouvert à n'importe quelle solution. OK, effectivement. Donc, le nouveau président du club de golf de Saint-Prime, Martial Bouchard.